Les victimes d'amour, par Hector Malot. Tome 1er, Les amants. Chapitre 1er, Les amis d'un enfant. Plorac est un village à 6 lieues de Lannion. La Manche, qui depuis la pointe de Roscoff s'est enfoncée dans les terres pour recevoir 5 ou 6 petits ruisseaux, remonte assez loin vers le nord. La côte se découpe en anse et en promontoire, pousse une pointe un peu plus accentuée et revient brusquement sur elle-même pour s'arrondir en une baie dont l'ouverture est à moitié fermée par une île. C'est au fond de cette baie, à cheval sur une petite rivière, que Plorac est bâti. Une chaîne de collines le protège contre les vents de l'ouest et du nord. Tout ce qui est exposé à ces deux fléaux et regarde la mer est lande et falaise. Le gazon est ras, maigre, distribué par plaques, et des buissons noueux d'épines noires abritent à grand-peine quelques chétives touffes d'osmonde et de statis. À pic et déchiqueté, la falaise trempe sa base dans un flot sans cesse tourmenté qui, dans les jours de tempête ou de grande marée, la frappe avec violence et en détache d'énormes quartiers de granit qui roulent au loin dans la mer et servent de refuge aux goélands, aux mouettes et aux pétrels. Tout ce qui est au levant et au midi offre un contraste absolu. La colline s'abaisse mollement jusqu'aux premières maisons du village et ses flancs sont couverts d'arbres vigoureux. Au bas, dans des prairies, la rivière serpente au milieu de bouquets d'aunes. Plus loin, en montant vers les coteaux, s'étale doucement la plaine avec ses champs de blé, de chanvre et de sarrasin. De Lannion, on se rend à Plorac par une belle route, qui, avant d'arriver au bourg, passe sur un pont qu'on peut faire dater de la fin du dernier siècle. Après ce pont, c'est Plorac. D'abord, les maisons sont rares, et même ce ne sont guère que des cabanes bâties en argile, avec des toits en chaume. Les ouvertures sont étroites et basses, et par-dessus des haies moitié vives, moitié sèches, on voit sur le fumier des enfants sales et chevelus jouer pêle-mêle avec les poules et les cochons. Bientôt une rue se forme, les maisons se joignent, quelques-unes ont un premier étage, l'ardoise apparaît et la pierre chasse l'argile. Assises devant les portes, les femmes filent ou raccommodent les habits de leurs hommes. D'autres font du filet, d'autres coupent des sèches et amorcent des lignes. On est bientôt sur la place, et c'est là que Plorac se montre dans toute sa beauté. C'est sur la place que la mairie dresse le mât où est censé flotter un drapeau, et c'est sur la place que sont les deux cafés, l'un coquet, avec une belle devanture verte, 2 lampes et un billard, l'autre, sale, enfumé, où l'on ne boit jamais de vin, mais où il se fait d'effrayantes consommations d'eau-de-vie, cette liqueur terrible aux Bretons, et que, dans leur langue expressive, ils appellent du vin ardent. 3 rues débouchent sur cette place. L'une est la route de Lannion, l'autre, longeant l'église et le presbytère, gravit la colline du côté d'une grande maison qu'on appelle le château. La 3e conduit à une sorte de grève déserte où l'on ne voit que le corps de garde de la douane et quelques tas de pierres pour faire sécher les filets. C'est le port. À 500 pas et la plage, les barques échouent sur le sable. Voilà Plorac. Pas de commerce, pas d'industrie, pas de débouchés. Une route ne conduisant nulle part et finissant à presque rien. Une population pauvre, composée en partie de paysans, en partie de pêcheurs et de marins, qui, embarqués pour les longs voyages, ne reviennent que rarement au pays. Une après-midi d'avril, on vit s'arrêter sur cette place, devant le bureau de poste, une voiture de laquelle descendirent 2 femmes, une jeune et une vieille, accompagnées d'un petit garçon. La jeune femme était la nouvelle receveuse des postes, qui venait s'installer à Plorac. La vieille était sa mère, le petit garçon était son fils. Tout le monde accourut sur sa porte pour voir les arrivants dont on parlait depuis quelques jours en se racontant leur histoire. Des gens très bien, qui avaient eu des malheurs. La receveuse était fille d'un médecin de Rennes bien connu en Bretagne, le docteur Desalleux, et veuve d'un artiste, d'un musicien. Elle se nommait Madame Berthaud. Ruinée, elle devait par son travail faire vivre sa mère et élever son fils. Madame Berthaud arrivait avec une telle résignation qu'à première vue, Plorac lui parut presque beau. Comme lui parut acceptable, la maison où l'administration avait installé le bureau, si pauvre qu'elle fût. Au rez-de-chaussée, il y avait 3 pièces. Un petit cabinet pour le bureau de poste, une cuisine et une salle assez vaste, éclairée par 2 fenêtres au midi. Une allée longeant ces 3 pièces communiquait de la rue avec un jardin entouré de murs, planté de quelques tilleuls, et brusquement coupé par la rivière qui le séparait des prairies voisines. 3 chambres composaient le 1er étage. Quelques meubles, débris de l'héritage paternel, quelques livres et par-dessus tout le goût d'une femme bien élevée, achevèrent de donner à cette demeure une tournure qui disait mieux que le bavardage des voisins les mœurs de ses habitants. Car ce fut dans Plorac une grande affaire que cette installation. On s'occupa pendant un mois de la nouvelle receveuse, puis, comme elle parut ne vouloir voir personne, on la déclara fière et tout fut dit. Ses captages parvinrent jusqu'au château. Son propriétaire, M. Michon, ou mieux, le docteur, comme on disait habituellement, était un vieux médecin de Brest, revenu dans son pays natal dépenser les 10 ou 12 000 livres de rente qu'il s'était laborieusement amassées. Il avait été le camarade d'école de M. Desalleux. Quand il apprit que les étrangères étaient sa veuve et sa fille, il leur fit une visite, et quoiqu'il n'exerçât plus depuis longtemps, il mit à leur service son expérience et ses soins. C'était un homme franc, à la figure ouverte, à la tête un peu rougeaude mais belle, sous une forêt de cheveux blancs hérissés, se posant carrément, parlant haut, parlant bien. Il vint souvent et initia Mme Berthaud aux usages du pays, lui dit ce que chacun était et ce qu'elle-même devait être. « Je ne saurais trop vous engager, lui conseilla-t-il, à voir le curé. Je ne suis pas bigot, mais l'abbé Ercotte est un homme de bonne compagnie, dévoué, charitable, aimé autant que craint. S'il n'avait pas son église, il serait parfait. Mais là, il est vraiment par trop despote. Il faut le voir le dimanche monter en chaire. Chacun tremble. Les hommes sont debout contre la balustrade du chœur ou assis en amphithéâtre sur les marges des deux autels latéraux. Les femmes, sans chaise et sans prie-dieu, sont agenouillées sur les dalles ou accroupies sur leurs talons. Alors ils commencent. Si la semaine a été calme, tout va bien. Mais si un paysan a battu sa femme ou bien s'il y a eu quelques scènes d'ivresse, il interpelle les coupables par leur nom et là, devant toute la paroisse, il vous les sermonne d'importance. Il amena le curé. L'esquisse qu'il en avait donnée était exacte. C'était un fils de paysan, petit, trapu, le teint allumé, les yeux noirs, la bouche large, les membres un peu noués. Mais son regard perçant, son air impérieux et bon à la fois, sa démarche hardie et ferme, son geste vif et qui ne manquait pas d'une certaine puissance, rachetaient ce que cet ensemble avait de commun. On devinait qu'un homme de cœur et de volonté, enseveli sous une grossière écorce, s'en était peu à peu dégagé au contact du monde et que chacune de ses qualités était une conquête. La visite fut longue. Peut-être n'avait-on jamais ni aussi bien ni aussi longtemps causé à Plorac. L'abbé, qui avait été secrétaire d'un évêque, renaissait à la vie sociale. Insensiblement, des relations se créèrent. Enfin, on décida de se réunir souvent. C'était un ancien capitaine de frégate qui avait donné sa démission pour se retirer près de son père. Mais le père et le fils n'avaient pas pu vivre longtemps sous le même toit. Le père était un vieux gentillâtre d'autrefois, vigoureux, emporté, taillé comme un athlète, à la figure matérielle, aux mains couturées de muscles et couvertes de poils rudes, grand coureur de gibier et surtout de jolies filles. Ignorant comme le dernier de ses garçons de ferme, il était absolu dans le peu d'idées qu'il avait et ne supportait pas la contradiction. Après avoir un peu tué par son caractère difficile et brutal la mère du capitaine, il avait épousé une paysanne qui était morte en lui donnant un fils, nommé Audren comme lui. Il n'y avait pas 6 mois que le capitaine était à Tréfléant. Qu'il avait dû en sortir. L'âge avait insensiblement dégradé le baron, ce qui, chez lui, était des fois 30 ans, à 60 était devenu vice. Vêtu du costume traditionnel, bray, longile avec ceinture et habit veste à la Louis XIV, il courait les foires et les marchés. Ou, s'il restait au château, tombant en ruine et qu'il n'avait bientôt plus de dépendance, c'était pour boire avec le premier paysan venu, se quereller avec ses fermiers convenanciers, insulter les huissiers et les gardes, chercher quelque moyen d'emprunter 1 millier de francs, caresser les goutons du village, les admettre à sa table, ou même à mieux. Ça avait été pour ne pas mépriser tout à fait ce chef de famille que M. de Tréfléant était venu habiter Plorac. La solitude, l'âpreté du pays convenaient à son caractère grave et mélancolique. Il avait acheté 5 ou 6 arpents de bois à l'abri de la falaise et s'était fait construire au milieu un petit cottage à l'anglaise. La chasse, la lecture, le jardinage étaient ses seules occupations. Tous les soirs, M. de Tréfléant arrivait le premier. Presque toujours, il apportait un panier de fruits ou un bouquet. Il était suivi de près par le docteur. et en attendant le curé, on causait. Aussitôt qu'on entendait le pas de l'abbé, Madame Desalleux et M. Michon préparaient les jeux. « Dépêchez-vous donc !» criait celui-ci. « L'hôtel est prêt !» À son arrivée à Plorac, l'enfant était un marmot qui n'avait qu'à se faire aimer. Et cela, il l'avait réussi sans peine. Le docteur, M. de Tréfléant et le curé s'étaient pris pour lui d'une tendresse paternelle. Maurice est toujours Maurice. Son nom revenait à chaque instant dans tout ce qu'il disait. Mais l'âge venant, il avait fallu s'occuper de son éducation et la tâche s'était présentée pour les trois amis avec un caractère de gravité. Bon, affectueux, tendre, sensible, intelligent, l'enfant l'était. Mais d'autre part, ses impressions, d'une mobilité extrême, imposaient des précautions. Pour lui, une chose désirée devait être une chose obtenue. Colère, il se roulait par terre. Heureux, il riait, chantait, courait à travers champs. La passion était son seul guide, le premier mouvement son souverain maître. Le docteur démêla parfaitement ce caractère. « Domptons le moral par le physique, » dit-il dans une sorte de conseil de famille, « ou bien Lala amusera le fourreau. » L'abbé, dirigez son esprit. Capitaine, développez son corps. « Et moi ?» interrompit Madame Berthaud. « Que me reste-t-il de mon enfant ?»« Son cœur, » dit M. Michon. Les choses s'accomplirent comme il venait d'être décidé, et Maurice grandit au milieu de maîtres qui avaient la tendresse et les soins d'un père. Persuadé qu'un homme doit presque toujours ses succès à des avantages corporels, et que l'esprit, dans une enveloppe gauche ou maladroite, fait souvent plus souffrir que la bêtise, M. de Tréfléant lui enseigna l'escrime, le tir, le fortifia et l'aguerrit par de longues courses dans les environs, en ayant soin de lui aplanir les difficultés sans le laisser se perdre dans les détours de la routine. Il le menait droit au but, après le lui avoir d'abord montré, employant pour toute chose le procédé auquel il eut recours, lorsqu'il voulut lui montrer un lever de soleil en pleine mer. Ils partirent par un soir de juillet, à l'heure où la terre réchauffée commence à renvoyer la brise au large. Quand la nuit tomba, on ne voyait plus la côte, mais on la devinait encore à quelques nuages blancs. C'était la fumée des tiges de colza qu'on brûle sur le champ même et que le vent entraînait avec lui. Ils allèrent encore, et quand le phare de Bréa ne fut plus à l'horizon qu'un point imperceptible et vacillant, M. de Tréfléant amena la voile. À son estime, il devait être sur un banc où l'on trouverait fond. Il mouilla et l'ancre mordit. Puis, étendant son manteau au fond de la barque, il fit coucher Maurice. « Dors, mon enfant, » lui dit-il. « Quand il en sera temps, je t'éveillerai. » Et il s'assit à l'avant, la main sur le cordage, tout prêt à le larguer, si par hasard il était besoin. Mais il faisait une nuit splendide. La brise et la vague avaient faibli, et la barque n'était plus soulevée que par un mouvement monotone, presque insensible. Maurice dormait. Quand M. de Tréfléant jugea l'heure arrivée, il l'éveilla. Comme à un théâtre où le rideau se lèverait sur une décoration d'une beauté splendide, Maurice se vit au milieu de l'immensité. La nuit n'était déjà plus, et le jour ne paraissait point encore. Le ciel, sans nuages, était d'un bleu limpide, et vers l'Orient une ligne pourprée se détachait lumineuse. Bientôt cette ligne grandit, elle s'éleva, en passant par tous les tons, du rose le plus tendre au rouge le plus vif, et son foyer devint une fournaise. Les étoiles pâlirent, puis ne furent plus que des points, puis rien. Le brouillard, qui nageait par la mer unie, se vaporisa, et le soleil parut lent et majestueux. 3 heures après, ils échouaient sous la falaise de Plorac, et Madame Berthaud, qui, malgré le calme de la nuit et l'expérience de M. de Tréfléant, était remplie d'impatience, embrassait son fils avec les mêmes transports que s'il arrivait d'un voyage autour du monde. C'est qu'elle l'aimait de toutes les forces d'un cœur jeune. Pour elle, il était bonheur, consolation, espérance. Il était le passé et il était l'avenir. Elle ne vivait que par lui, que pour lui. Quelquefois pourtant, le matin, lorsqu'en préparant ses dépêches, elle regardait par sa fenêtre le village s'éveiller, elle tombait en de tristes rêveries. Avoir tous les jours cette monotonie fatigante par son uniformité même, avoir les femmes peignées sur le seuil de la porte leurs marmots en haillons, les devantures des boutiques s'ouvrir lentement, les pêcheurs revenir de la mer, pieds nus, le pantalon retroussé jusqu'aux genoux, leurs filets mouillés sur les épaules, tandis que l'un d'eux, chargé de grandes mannes, entrait dans les maisons pour offrir du poisson, à entendre sans cesse le bruit cadencé de la forge ou le va-et-vient du métier des tisserands, elle se prenait à penser qu'elle avait eu autrefois des journées plus remplies, et qu'elle était bien jeune pour cette existence plate et régulière. Mais alors Maurice descendait de sa chambre, il venait embrasser sa mère, et aussitôt, oubliant rêverie et souvenirs, elle se disait que pour cet enfant tout était bien ainsi, que ce calme et cette tranquillité lui valaient mieux que la vie de collège, où il n'aurait eu ni M. de Tréfléant, ni M. Michon, ni l'abbé. Celui-ci, cependant, quoiqu'il employât la même méthode d'enseignement que le capitaine, et conduisit aussi son élève par la main au travers des difficultés, n'obtenait point les mêmes résultats. Maurice n'aimait que les lectures d'agrément. Quant aux sérieuses, elles le rebutaient. Aussi, quand il s'agissait d'un devoir de grammaire ou de mathématiques, avait-il toujours quelque bonne excuse toute prête. Tantôt c'était M. de Tréfléant, tantôt le docteur. Ou bien il arrivait triomphant avec 100 vers de Racine dans la mémoire, et l'en remettait au lendemain. Le lendemain, c'était à recommencer, d'autant plus faible avec Maurice qu'il était plus ferme avec ses paroissiens. L'abbé Hercoët se plaignait rarement et ne grondait jamais. Ce que Maurice étudiait avec passion, c'était la musique. Dès qu'il en eut compris et appris les éléments, ses progrès furent si rapides qu'ils annonçaient une véritable vocation. Le sentiment musical était inné en lui. Avec sa mère, pour seul maître, ayant pour tout instrument un vieux piano qui lui venait de son père, il fut à 16 ans d'une force assez grande pour ne plus trouver de difficultés. Ainsi il grandit, mais ce système d'éducation, s'il avait du bon, avait aussi cela de très mauvais qu'il ne préparait nullement au sérieux de la vie. Que Maurice eut du chagrin, et aussitôt il accourait près de sa mère ou de sa grand-mère, et c'était de douces consolations, de bonnes paroles, d'enfantines caresses. Pour lui épargner une larme, les deux femmes ne reculaient devant rien, et il en était au moral comme il en était au physique. C'était des soins de chaque instant, de méticuleuses prévenances. Tout le monde s'unissait pour lui adoucir les obstacles. Aveuglés par leur amour, guidés par leur seule bonté, ces braves gens oubliaient ce que la difficulté vaincue peut donner d'expérience, de courage et d'utiles enseignements. Cependant, ses facultés musicales se développèrent de plus en plus. Un chant qu'il avait composé en langue bretonne à l'occasion du naufrage d'une barque et des souffrances d'un pêcheur resté seul pendant 3 jours sur un rocher, devint populaire dans tout le Tricourois et le pays de Léon. Quand il avait brillamment exécuté une page difficile ou trouvé une gracieuse mélodie, il allait s'asseoir sur les genoux de sa mère et lui disait à l'oreille « Êtes-vous content, mon maître ?» Et la pauvre femme pleurait de joie. Madame des Alleux, le docteur et l'abbé voyaient avec peine les tendances de Maurice. Ils auraient voulu en faire un médecin, et profiter aussi des relations du grand-père et celles de M. Michon lui-même. Pouvez-vous être assez faible pour laisser Maurice se bercer de la pensée d'être artiste ? Disait le docteur. Mais s'il a du talent, répondait Mme Berthaud. Où le talent a-t-il conduit son père ? Interrompait Mme des Alleux. Et puis quelle preuve avez-vous de ce talent ? Poursuivait M. Michon. Parce qu'il compose des complaintes et des chansons assez gentilles, vous croyez qu'il est musicien ? Quand j'étais enfant, moi, je voulais être militaire. Ce qui n'empêche pas que je ne sois devenu un assez bon médecin. Toutes ces prétendues vocations ne sont que des caprices. Si vous voulez fermement que Maurice soit médecin, il le sera, et à 30 ans, il vous en remerciera. Enfin, disait M. de Tréfléant en prenant part à la discussion, pourquoi le contrarier ? La vocation est plus forte que tous les obstacles. Maurice est artiste, et il le sera malgré vous. Vous aurez beau vouloir en faire un avocat ou un médecin, vous le pousserez à la révolte, voilà tout. Que diable, pour être artiste, on ne déshonore pas sa famille, son père l'était bien. À toutes ces raisons, le docteur secoua la tête et répétait sans cesse, « Les enfants sont ce que nous voulons. » Il redoutait Paris et son séjour. Son fils y avait été tué sur une barricade, et sa fille vivait fort malheureuse près d'un mari joueur et débauché, qui, après s'être fait chasser de l'armée, où il occupait un grade supérieur dans l'infanterie de marine, s'était réfugié à Paris, autant pour se cacher que pour être plus libre de donner carrière à des vices et des passions qui avaient besoin de la corruption et surtout du mystère d'une grande ville. Ces discussions jetaient Mme Berthaud dans des doutes cruels, car, mère par le cœur, elle n'avait pas la force d'être père par la volonté. Si, parfois, elle tentait de prendre un air grave, son froncement de sourcil n'était pas sérieux. On sentait que le sourire n'était pas loin, et le baiser se voyait sous les lèvres. Enfin, M. de Tréflehan l'emporta, en proposant une mesure provisoire, la plus habile et la plus infaillible de toutes les tactiques. « Maurice va avoir 18 ans, dit-il. « Pensez-y bien, docteur. Le séjour de Plorac peut lui devenir dangereux. « Veuillez y songer aussi, monsieur le curé. Il est donc temps de nous en séparer. »« Parfaitement raisonné, interrompit le docteur. « Il ne faut pas qu'un gaillard élevé par le curé porte le trouble parmi les brebis, ce qui cependant serait assez drôle. Il en sait maintenant assez pour se faire recevoir bachelier. Envoyons-le à Rennes, puis ensuite à Paris, à l'école de médecine, pour ses dernières années. » « À Paris tout de suite, » continua M. de Tréfléant, « mais pas à l'école de médecine. Essayons de l'art. S'il n'a pas de talent, il sera toujours temps de se rabattre sur une profession honnête et libérale, comme disent le docteur et le curé. « C'est-à-dire, s'écria celui-ci, que si Maurice est un sot, vous en ferez un médecin, merci. » « Ou un curé, » continua l'abbé. On finit par convenir que Maurice irait à Paris. Son départ fut fixé au dernier jour de l'automne, et M. de Tréfléant dut l'accompagner. Madame Berthaud était une vraie mère. Cependant, ce n'était pas sans souffrir qu'elle voyait s'approcher le moment de la séparation. Et bien des fois, elle mouilla de larmes le trousseau de linge qu'elle-même préparait de ses mains. Ce travail était devenu sa joie. Elle mettait son orgueil à ce que son enfant eût toutes ces petites choses indispensables au bien-être et pût se dire, quand il serait seul et lointain, « C'est ma mère qui me l'a donné. » Pour elle, pour son anxiété chaque jour croissante, l'automne marcha avec une effrayante rapidité et toucha bientôt à sa fin. Le dernier jour que Maurice dut passer à Plorac réunit tout le monde dans un dîner d'adieu. Le temps, qui avait été beau toute la journée, se mit au froid quand vint le soir, le vent souffla du nord et remplit le jardin de feuilles sèches. « Tu commences à voir, dit le docteur Maurice, ce que coûte l'ambition. Certes, la gloire est une belle chose, mais elle ne vaut pas la tranquillité de la maison maternelle. La quitter, c'est abandonner le certain pour l'incertain, le bonheur pour le hasard. Enfin, mon ami, tu te souviendras du vieux papa Michon, quand, seul, au milieu du monde, entouré de pièges ou de ténèbres, luttant dans la course au succès, tu penseras aux joies de la famille, aux conversations du foyer domestique, qui maintenant te paraissent des radotages. « Mon enfant, dit l'abbé, si jamais une mauvaise pensée effleure votre âme, songez à votre mère, c'est la plus sûre conscience. » On se sépara, et Maurice voulut achever ses derniers préparatifs. Sa mère vint bientôt le rejoindre et l'aider. « Allons, dit-elle en s'efforçant de sourire, laisse-moi faire, tu chiffonnerais tout cela. » Il se mit à plier les vêtements. « Tiens, regarde, voilà comment il faut rabattre le collet et les revers pour ne rien friper. » À chaque chose, c'était une recommandation nouvelle, pour le tailleur, pour le linge, pour la blanchisseuse. Puis elle courait dans sa chambre, rapportait un de ses mouchoirs pour compléter une douzaine, plaçait entre deux chemises quelques petits objets fragiles, lui venant de son père ou de son mari, rangeait, tassait tout soigneusement et ne s'arrêtait que devant le trop-plein. Tout était prêt. Alors, tirant une bourse qu'elle-même avait faite, « Tu trouveras 50 louis dans cette bourse. Je ne te dirai pas, là est toute notre fortune. La vérité est cependant qu'il nous en restera bien peu. J'aurais pu te les donner en plusieurs fois. J'ai confiance en toi. Prends, travaille de ton mieux, surtout pense à nous. » Quand, au petit jour, la voiture et le domestique du docteur arrivèrent devant la porte, tout le monde était éveillé. Il fut décidé que l'on conduirait Maurice à pied jusqu'à la côte de Maël. La bonne dame des Alleux s'offrit pour garder le bureau, mais entraînant Maurice dans le jardin, « Tiens, dit-elle en lui glissant une petite boîte, voici mes économies et la montre de ton bon papa des Alleux. N'en dis rien à ta mère. » On se mit en route, Madame Berthaud s'appuyant sur le bras de son fils. Ils se regardaient tristement, s'efforçant tous deux de sourire. Le jour se faisait, et sur la mer, à l'Orient, du côté de Paris, le soleil se levait tout rouge. Les coqs du village chantaient en battant des ailes. Assis sur leurs chevaux, les garçons de charrue passaient, se rendant au labourage. À la côte, il fallut se séparer. Ce furent de longs souhaits, de longs embrassements. Maurice écrivit souvent à sa mère. Elle était la confidente de ses joies, de ses chagrins. de ses espérances et de ses doutes. Elle le suivait dans sa vie. Elle était une conscience, suivant la parole de l'abbé Hercoët. Dès qu'il en trouvait le moyen, il se hâtait d'accourir passer quelques semaines à Plorac. Mais il vint un jour où ses lettres furent plus courtes, plus rares, puis enfin presque indifférentes. Elle n'était plus tout pour son enfant. Il aimait.